Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et toujours dans la sphère, dans l'exploration de la sphère du 9e art. Et cette semaine, enfin, 9e art qu'on amènera sous différents angles. Parfois, il y a des émissions où vraiment j'ai l'impression qu'on a un beau focus en termes de choix d'invités, de thématiques. D'autres fois, c'est très, très éclaté. Ce sera le cas aujourd'hui. En deuxième moitié d'émission, on va aller vers la Rome antique, vers l'Antiquité romaine. On offre, comme vous le savez, à chaque mois ou de façon sporadique, donc des cartes blanches d'un côté à nos collaborateurs réguliers, de l'autre à des invités spéciaux. Et cette semaine, c'est Édouard Tremblay, donc qui sera de passage et lui aura envie de nous amener dans la Rome de l'Antiquité à travers la bande dessinée. Donc, c'est quoi les meilleures lectures, de quelle manière on a abordé aussi l'Antiquité romaine dans la sphère de la bande dessinée. Donc, on va explorer un peu ces différents éléments-là. Ça va être en deuxième moitié d'émission. Et parallèlement, pour la première moitié, on avait envie de jeter un coup d'œil à l'événementiel. On n'a pas encore beaucoup fait cette saison à date. Et notamment, il y a Comic-Con de Québec qui s'en vient dans le courant de la semaine prochaine. Et on avait envie de revenir un peu sur l'événement. Donc, on parle quand même de 4 ans d'événement du côté de Québec. 10e anniversaire également cet été, si je ne m'abuse, du côté de Montréal. Il y a Ottawa également. Donc, et tout ça est géré un peu par le même groupe. Alors, on avait envie d'échanger avec le porte-parole de l'événement, Jason Rackman, pour voir un peu, revenir un peu sur l'historique de tout ça. Et en même temps, prendre peut-être un petit air d'aller pour l'édition 2019, donc, de cet événement. Alors voilà, donc ça c'est le menu pour cette semaine, il y aura peut-être quelques commentaires BD de saupoudrer au travers de tout ça également. Alors donc, toujours un plaisir évidemment de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 à La Vie en BD. Et cette semaine, c'est la formation Flashy Goodness qui nous accompagne en 8 bits. On écoute un premier extrait. Toujours écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et également, nos émissions sont disponibles en balado diffusion sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, également sur laviehenbd.wordpress.com. Et tel que mentionné d'entrée de jeu, on va se plonger un peu dans la sphère événementielle. Tiens, on va aller voir du côté d'un événement qui s'en vient les 12 et 13 octobre ici à Québec au Centre des Congrès. Il s'agit de la 4e édition du Comic-Con de Québec. Et pour en jaser avec nous, on est en compagnie du porte-parole de l'événement, Jason Rackman. Bonjour. Hey, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et d'emblée, en fait, j'ai l'impression, vous avez déjà fait un bon jalon avec l'équipe de Comic-Con, avec le 10e anniversaire à Montréal. Il y a Ottawa qui a son Comic-Con depuis quelques années, Québec également. Donc, impression que le branding Comic-Con prend de plus en plus de place, réussit à s'imposer au fil des années, dans la province même, de manière assez large. Oui, absolument. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on est à Montréal. On a commencé... Je pense qu'on est rendu à notre 8e édition à Ottawa, puis Québec, je pense, c'est la 6e édition. Puis demain, on va avoir notre première édition à Laval. Alors, c'est vrai qu'on est commencé d'être comme le brand de Comic-Con à Québec. Et qu'est-ce qui avait donné envie, en fait, si on reporte à l'origine, là, dans le fond, donc c'est Montréal qui a démarré la chose. La première année, avec quoi, à peu près 2000 personnes à Place Bonaventure. Cet été, je pense qu'on est plus dans les 60 000 que vous avez reçus à Montréal. Qu'est-ce qui avait donné l'impulsion de se dire, ben, OK, c'est un brand qui existe, qui est bien implanté à l'international, donc on a envie de l'amener au Québec? Mais je pense que tous les organisateurs du show à Montréal, quand on a commencé ça, c'était vraiment pour avoir un show comme ça chez nous. Parce que on était du monde qui était habitué à aller des longues distances pour avoir un Comic-Con. On était allé à San Diego déjà, on était allé à New York, à Toronto, puis des autres places comme ça. Mais Montréal avait jamais un grand show. Puis quand on a bâti ça, ça fait, je pense, ça va être notre 12e édition cette année qui s'en vient en 2020. On voulait vraiment avoir un événement comme ça chez nous. Puis ça a commencé à Montréal avec nos trois premiers invités qui étaient Lou Ferrigno, qui joue l'Incroyable Hulk. On avait Jeremy Bullock qui joue Boba Fett. Puis on avait le Honky Tonk Man, l'habitant très connu. Alors, et c'était la première expérience à Montréal d'avoir un show avec des invités comme ça. Et on a vraiment bien réussi. Alors, chaque année après ça, on a commencé d'avoir de plus en plus de demandes du monde pour des shows comme ça à Québec. Alors, on a fait notre deuxième show à Ottawa un couple d'années après. Puis Québec est venu, était notre troisième show. Et moi, personnellement, la chose que j'aime le plus de toutes les shows qu'on fait, c'est les cosplayers à Québec. Je trouve le monde de cosplay à Québec sont vraiment sont sérieux. Et moi, j'ai vu des cosplayers autour du monde et pour moi, les cosplayers à Québec, c'est vraiment quelque chose de spécial. Oui, ben en fait, en plus, quand on se reporte, je me rappelle, en fait, on couvrait les débuts de la scène cosplay autour de 2006. Ça faisait quelques années qu'il y en avait un peu dans la région de Québec. Et j'ai l'impression qu'en 10 ans, la scène s'est vraiment décomplexée et la scène a vraiment explosé, en fait, en termes de cosplay. Donc, autant localement, autant à l'échelle internationale, il s'en fait beaucoup plus. Il y a des vedettes de cosplay. Et au Québec, justement, on n'est pas à la remorque de tout ça non plus. Est-ce qu'on a l'impression que des événements comme Comic-Con, aux côtés peut-être des Nanashikan, Takucon et le reste, a amené ou a donné peut-être une tribune, puis a servi peut-être un peu à pousser plus avant la scène du cosplay, autant à Québec qu'à Montréal. Oui, absolument, c'est sûr, parce que quand vous avez tellement de monde comme ça qui vient à un show, et c'est du monde normalement qui sont pas dans le domaine de cosplay, ils vont voir ça pour la première fois. Alors, c'est sûr que tu vas voir des personnes qui vont dire à eux, OK, je veux faire ça moi-même, ou je suis intéressé à voir c'est quoi exactement le cosplay. Ils vont prendre des photos. Et avec les réseaux sociaux, ça aide beaucoup à grandir le fanbase du cosplay. Alors, c'est sûr, dans les derniers 10 ans, on a vu vraiment, vraiment un intérêt. Et ça, c'est pourquoi on met beaucoup de focus à nos shows aux cosplayers. Moi, je dis toujours, c'est sûr qu'on parle toujours des invités et c'est fun. Et c'est des gros vedettes. Mais moi, je dis toujours, au Comic-Con, les vraies vedettes sont les cosplayers. Parce que c'est le monde qui travaille. Normalement, ils ont des tout petits budgets. Ils font leurs costumes eux autres. C'est fait proprement. Et ils mettent des heures et des heures dans leurs costumes. Et on voit ça parce que ils sont hallucinants des fois. Comme moi, j'ai vu des choses dans les shows que je m'avais dit comme comment ça qu'ils font. Ils font ça, qu'ils peuvent faire ça. Comme t'as un gars qui a bâti comme un Hulk, qui mesure comme 8 pieds et marche tout le long de la journée dans ça. Je suis comme, comment tu fais ça? Alors, c'est vraiment impressionnant. Oui, puis en même temps, ce qui est fascinant, c'est que dès la première édition, les gens de la scène cosplay de la région étaient au rendez-vous. Enfin, un peu comme si ils attendaient aussi de leur côté un événement comme ça à grande échelle, dans le fond, pour se mettre de l'avant, pour profiter de l'ambiance qui est associée à tout ça. Oui, comme le monde qui vient en cosplay, il met les dates dans leur calendrier dès qu'on les annonce, puis ils sont là-dessus, comme ils ont dit, OK, la prochaine chose, ça va être le 11 et 12 octobre, on va être là, on va être prêt, j'ai comme 8 mois pour faire mon costume, et je trouve ça vraiment cool. C'est dommage parce que moi, j'ai déjà essayé de le faire un peu, mais je suis pas vraiment bon à faire des choses moi-même. Alors, je suis pas un grand cosplayer, mais j'ai une grande appréciation pour le cosplay. Et le mascarade qu'on fait à Québec, c'est pour moi le meilleur qu'on fait de toutes nos shows. Oui, puis j'imagine, en fait, quand on regarde un peu les invités, il y a toujours justement des cosplayers professionnels que vous faites venir. C'est un peu pour répondre aussi à l'intérêt de ce type de public-là qui a envie d'émuler un peu, d'apprendre sur les techniques, des approches. Donc, à la limite, en fait, j'aurais presque envie de dire, il y a une partie de programmation qui est spécialisée, entre guillemets, pour les cosplayers. Et il y a le reste pour le grand public aussi. Là. Exact, exact. Puis, comme j'ai dit, la mascarade, le mascarade est vraiment quelque chose. Et c'est pour moi un des événements à notre show qui attire beaucoup de monde et ça attire l'intérêt en cosplay. Et à travers tout ça aussi, bon, on parlait, ça fait quelques années quand même que Comic-Con est à Québec. J'imagine qu'il y a toujours un défi dans la mesure où le Comic-Con de Montréal, c'est pas le Comic-Con d'Ottawa, c'est pas le Comic-Con de San Diego. Chaque ville a un peu son identité, son ADN. Est-ce qu'on a l'impression, parce que la formule à Québec a évolué, s'est transformée au fil des années, a pris un certain virage familial à partir de l'année dernière, donc qu'on a cherché encore un peu à trouver la meilleure formule pour Québec ou à adapter la formule en réponse aux besoins ou aux attentes du marché? Mais je pense que l'année dernière, on a pris des décisions qui a vraiment aidé le show. On a baissé les prix des billets. On a décidé d'avoir entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Puis ça a vraiment réussi. Alors on garde encore cette modèle. Et je pense que c'est une bonne chose à Québec parce que si tu les familles, quand vous avez deux parents et deux enfants qui viennent, qui cherchent une activité de faire en fin de semaine, c'est pas toujours évident. Et quand tu donnes la chance d'avoir des enfants gratuits, rentrés, ça aide beaucoup les familles. C'est ça qu'on voulait faire. On voulait baisser les prix un peu, avoir plus de monde. Puis comme ça, si vous avez du monde qui veut rencontrer Billy Dee Williams, il est là, tu peux prendre des photos avec lui, tu peux avoir des autographes, mais pas tout le monde qui vient au Comic-Con pour la première fois veut faire ça. Des fois, il veut juste venir voir, faire un tour, regarder qu'est-ce qui se passe, puis après ça, ils vont revenir une autre année, ils vont dire, OK, je sais qu'est-ce qui se passe, j'ai déjà allé une fois, mais maintenant, s'il y a un invité qui m'intéresse, j'aimerais avoir un autographe, j'aimerais prendre une photo. Alors, c'est vraiment de donner le monde un incentive de venir et vraiment comme avoir l'expérience Comic-Con. Parce que moi, je dis toujours, quand tu viens une fois, c'est garanti que tu vas revenir. Oui, puis en fait, d'une certaine façon, il y a peut-être une logique de porte d'entrée dans la mesure où on vient à Québec, on découvre un peu c'est quoi un Comic-Con, comment ça marche, l'étendue de la culture geek, de la culture populaire qui est mise de l'avant. Puis après ça, ben, on aura peut-être envie d'aller dans un Comic-Con plus où il y a un fonds de commerce plus large de fans finis ou de gens qui sont vraiment plus intéressés à certains pans, certains axes, puis d'aller vers Toronto, vers Montréal ou des choses comme ça. Moi, je connais du monde qui vont chaque semaine, ils vont à des shows différents autour du Nord-Amérique, mais on voit beaucoup de monde de Montréal qui descend pour Québec et l'autre façon aussi. Il y a bien du monde de Québec qui descend pour Montréal. Mm-hmm. Alors, je pense que ça montre que c'est un week-end qui est vraiment fun pour les geeks. Et à l'intérieur de ça, en fait, je me demandais toujours, en fait, Comic-Con, au niveau brand, est-ce que ça a été, dans le fond, des négociations, des discussions, ou est-ce qu'il y a un certain contrôle du brand original, ou une fois, dans le fond, que vous avez un peu une franchise, donc vous la développez sur un territoire donné, comment se passent les relations avec les autres Comic-Con, dans le fond? Mais vraiment, OK, San Diego, c'est leur Comic-Con propre. Nous autres, on n'est pas vraiment associés avec eux. Il y avait un moment qu'il y avait du monde qui parlait comme... Est-ce que vous êtes un parti du compagnie de San Diego? Non, on est vraiment indépendant. Nous autres, on a le nom Comic-Con, l'appellation, c'est un peu différent. Puis, on a une entente avec eux qu'on peut utiliser le nom en Canada. Alors, tout ça, c'était réglé. Il y avait un peu de problème, pas vraiment un problème, mais c'était... parce que nos propriétaires de notre show connaissent le monde à San Diego bien. Ça fait des années qu'ils étaient là comme exposants. Alors, ils avaient une relation avec eux. Alors, mais on est vraiment un compagnie indépendante. Exact. Donc, c'est dans le fond, on profite un peu de ce brand-là qui a été établi et un peu comme ils font, j'imagine, dans d'autres régions du monde. Donc, il y a des gens qui... Ça dépend. Comme nous autres, comme c'est sûr, le mot Comic-Con, c'est associé un peu... Mais le mot con, comme il y a beaucoup de monde qui dit comme Expo-Con ou Dragon-Con ou Super-Con, mais Comic-Con elle-même, la raison que je pense que nous autres, on voulait vraiment avoir Comic-Con, parce que notre base était toujours des BD. On veut toujours garder une portion de la salle, des invités. On veut vraiment avoir un focus sur les BD, parce que c'est important comme pour nous comme organisateurs, parce qu'on est tous des fans de BD. Et je pense que c'était important d'avoir ça dans le nom. Et éventuellement, ben en fait, comme les autres Comic-Con aussi, ben ça s'élargit. Donc la base naît du comics, la bande dessinée, et là, ben on parle aussi, ben évidemment, de jeux vidéo. À Québec, en fait, il y a des combats médiévaux, il y a de la lutte, il y a un Warp Zone des jeux vidéo rétro. Donc vraiment une volonté de variété. Ça doit être en fait, j'imagine que l'idée, c'est un peu de que tout le monde trouve un peu son compte, mais ça doit être un bon casse-tête aussi au niveau organisation pour agencer tout ça. Moi, je regarde le département de la programmation font vraiment des choses impressionnantes. Parce que moi, je ne pouvais jamais le faire. Quand il bâtit la schedule et tout ça, c'est même quand il plante le plan de salle, tout, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis mieux comme être là pour parler au monde, comme parler un peu du show et qu'est-ce qui se passe. Mais eux autres, quand ils sont en train de l'organiser, c'est vraiment cool. Parce que il y a quelque chose vraiment pour tout le monde. Et à ça, ben évidemment, vous l'avez mentionné, Jason Rockman, pour Québec, les deux invités vedettes, c'est Billy Dee Williams, Pom Clémentieff, pour cette année, en parallèle d'une série d'autres attractions, évidemment. Et je me demandais, en fait, en termes logistiques, j'imagine qu'il doit y avoir un bon défi pour aller trouver aussi des invités qui vont répondre à de l'intérêt des fans, et trouver un invité qui va être peut-être assez connu aussi, en accord avec le marché. Donc, quand on est avec Pom Clémentieff, on est quand même avec quelqu'un de grand blockbuster, Billy Dee Williams aussi. Il y a des vedettes plus spécialisées qu'on retrouve aussi ailleurs, mais il doit y avoir toute une mécanique de booking de ces gens-là qui font quand même des tournées aussi presque de Comic-Con de leur côté. Mais c'est tough, parce que il y a toujours des shows qui se passent le même fin de semaine que votre show. Alors, c'est un défi de les avoir. Des fois, il y a un autre show qui vont leur faire plus d'argent. Puis, mais comme j'avais dit au début, on trouve qu'à Québec, le monde veut vraiment venir à l'événement. Les invités sont importants, mais c'est l'événement elle-même qui est important. Je pense que juste l'atmosphère du Comic-Con, le monde veut être là. Et les invités, des fois, on dit comme, mais c'est important, oui. Et comme moi, personnellement, comme un gars comme Billy Dee Williams, qui va être dans la dernière Star Wars du Skywalker saga qui va sortir en décembre, avoir lui à notre show, c'est vraiment cool. Parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas dans un film de Star Wars, et moi, je trouve que c'est vraiment... C'est impressionnant qu'ils l'ont eu, Billy Dee, et il a accepté. Mais je pense qu'aussi Québec, quand le monde peut venir et passer un fin de semaine à Québec, et s'ils ont du temps après pour aller dans le Vieux-Québec, aller marcher, aller prendre une petite marche, aller souper quelques places, c'est sûr que il y a beaucoup de charme à Québec. Alors c'est pas difficile à dire oui. Comme on avait Billy Boyd, et moi j'avais la chance de passer une soirée avec lui au Hobbit, le restaurant de Hobbit à Québec, et on était là avec un Hobbit, alors c'était vraiment cool. Et lui, je suis en contact avec lui encore, il me parle de ça tout le temps, qu'il a trouvé ça un des soirées qu'il a apprécié le plus dans son expérience de Comic-Con. Et outre les deux invités vedettes, il y a quelques invités qui ont été annoncés à date. Est-ce que vous auriez quelques noms, justement, de gens qu'on pourra rencontrer à Québec, que ce soit dans la sphère des BD, des comics ou autres? Mais tout est... On a les invités cosplay qui sont les Doll Damage cosplay qui vont être là. Toutes les invités qui viennent d'être ajoutés sont toutes sur le site d'Internet. Alors, si tu vas à comicconquebec.com, tu peux avoir toute la programmation up-to-date. Moi, c'est sûr que je veux aussi remettre un focus sur le concert de l'OVMF, parce que ça, des concerts comme ça, avec un grand symphonie qui vont jouer de la musique geek un peu, comme Star Wars, ça, normalement, un billet pour aller voir un show comme ça, c'est assez coûteux. Alors, ça, c'est une autre chose qu'on donne. avec votre prix d'admission. C'est un concert comme ça. Et moi, je trouve que ça, juste ça, pour moi, comme qui est un fan de musique, dans mon autre occupation, je suis un animateur de radio. Alors, moi, je suis un grand fan de musique et les concerts de OVMF sont courts, vraiment, vraiment courts. Alors, en fait, plusieurs choses à se mettre, évidemment, sous la dent au Comic-Con. Jason Rockman, merci d'être passé pour nous en jaser. Oui, et ça me fait plaisir. Et merci beaucoup pour le support. Et on va vous voir la semaine prochaine. Assurément. Au plaisir. Merci. Alors voilà, je rappelle Jason Rockman qui est porte-parole du Comic-Con de Québec. Alors c'est les 12 et 13 octobre prochains du côté du Centre des congrès de Québec pour les intéressés. Toujours avec Flashy Goodness qui nous accompagne au fil de cette édition de La Vie en BD. On a un petit peu de temps disponible, alors ben, j'en profite pour peut-être faire deux petits clins d'œil à des albums que j'ai eu le plaisir de lire dans les dernières semaines. Et ben, notamment, premier clin d'œil, c'est Agnès Ostache qui nous offre Nagasaki du côté du Lézard Noir. Et initialement, en fait, Lézard Noir m'ont habitué à des adaptations, des traductions de bandes dessinées d'origine japonaise bien souvent, et dans ce cas-ci, bien, je pense que c'est littéralement une première production maison, entre guillemets, donc un auteur de France qui édite du côté du Lézard Noir, et donc c'est Agnès Ostache qui adapte le livre d'Éric Faye, un livre qui avait été récompensé du côté français. Et évidemment, Lézard Noir, je fais une parenthèse, parce qu'à date, de façon générale, j'aime bien leur ligne éditoriale. Donc, il s'agit d'éditeurs où, généralement, quand je vois un livre passer, je me dis, OK, il devrait avoir un petit quelque chose là-dedans qui deviendra intéressant. Et bref, on peut dire que, à mon sens, là, dans les sorties récentes de l'éditeur, eh ben, que ce soit Chisa Kobe de Mochizuki, que ce soit Mimi Kaki de Yaru Abe, donc les récents que j'ai lus du côté de Lézard Noir, eh ben, je pense qu'Agnès Ostache se range de façon adéquate aux côtés des autres titres de l'éditeur. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? C'est l'histoire d'un type qui vit et travaille, donc une vie rangée, classique, vieux garçon. Il est seul chez lui le matin, il quitte son appartement, il s'en va travailler, il revient le soir. Et comme il habite dans un complexe, comme il n'a pas nécessairement grand produit de haute valeur chez lui, ben parfois il oublie volontairement ou non de barrer sa porte. Et à un moment donné, au fil du temps, ben, il se rend compte qu'il a perdu un truc, qu'il a perdu un autre truc, qu'il se rappelle formellement avoir acheté quelque chose, mais finalement n'arrive pas à le retrouver, souvent des produits alimentaires. Et il va commencer à s'intéresser à ce qui se passe chez lui. Éventuellement, il va commencer à gratter, il va être inquiété, il va choisir d'installer une caméra pour essayer de surveiller sa maison à distance. Donc, il se trouve un peu ridicule de faire ça, mais il choisit de le faire quand même. Et là, il s'imagine un peu ses collègues au travail qui se demandent qu'est-ce qu'il fait parce qu'il y a essentiellement sa cuisine au coin de son écran d'ordinateur et il le surveille à temps plein. Éventuellement, quelle ne sera pas sa surprise que de voir une femme qui, à un moment donné, arrive dans sa cuisine, commence à se faire un plat, s'installe, vit sa vie, dans le fond, pendant que lui est au travail. Et bien évidemment, la police va être appelée sur les lieux. On arrête la dame et là, je suis juste au premier tiers. Donc, je vous raconte pas l'histoire tout entière, mais je vous donne un peu l'a priori là-dedans. Et donc, finalement, lui va se rendre compte que cette femme-là, ben, habitait chez lui depuis pratiquement un an. Et que, ben, quand il n'était pas là, elle occupait la maison. Et quand il était là, ben, elle allait dans un placard, dans une chambre qu'il n'utilisait pas. Et elle, essentiellement, s'était faite une mini-pièce à cet endroit-là. Donc, on part de cet élément-là et là, tranquillement, ben, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a amené d'un côté la dame à aller là, donc souvent à travers un peu des regards médias. Donc, lui découvre l'histoire de cette femme-là à travers les médias, à travers ce qu'il réussit à glaner de la presse. Et parallèlement, et surtout, eh ben, on suit son expérience à lui. Donc, comment un individu se sentirait-il si quelqu'un d'autre avait partagé sans qu'il ne le sache, son quotidien, qu'il avait été constamment observé pendant pratiquement un an. Donc, quelle dynamique ça apporterait dans la vie quotidienne, quel regard on porterait sur son domicile, et quelle serait aussi la relation des gens autour de nous qui découvrent à travers la presse aussi l'événement qui nous est arrivé. Alors, c'est vraiment ce qu'on va explorer à l'intérieur de Nagasaki. C'est inspiré d'ailleurs d'un vrai fait vécu, une histoire vraie qui remonte à 2008. Et donc, on suit un peu ce récit-là à travers un dessin tout simple, tout en douceur, efficace, des côtés architecturaux qui sont bien réussis. Donc, vraiment une belle ambiance avec essentiellement, dans le fond, un monologue intérieur donc, qui est adapté, en fait, qui est allé chercher, qu'on est allé chercher du livre d'Éric Faye, dont on retient. Alors, donc, tranquillement, dans le fond, on découvre les lieux, la vie peut-être un peu fantomatique de cet homme-là aussi. Alors, ça donne une toile que j'ai trouvée quand même assez fascinante, fort intéressante. L'autrice, d'ailleurs, a des études en design d'intérieur, alors ça vous donne aussi un ton sur la manière dont on aborde le lieu, la maison, l'objet, la relation qu'on a avec les éléments de décor et le reste. Donc, bref, un autre produit de qualité du côté de Lézard Noir. Et si ce type d'exploration-là vous intéresse, ben probablement que vous devriez jeter un coup d'œil à Nagasaki. C'est d'Agnès Ostache et c'est chez Lézard Noir. Et avant d'aller en pause, je fais juste un mini clin d'œil. En fait, Frida Kahlo, une biographie de Maria S., traduction qui nous est arrivée du côté de Presque Lune. Si vous vous intéressez à l'œuvre de cet artiste et au parcours de cet artiste, c'est pas nécessairement une bande dessinée plus qu'un livre illustré, mais sincèrement, la manière par laquelle Agnès Ostache amène la vie de Frida, la simplicité à travers laquelle elle nous amène dans cette narration, la duplicité des narrations entre l'histoire, peut-être un peu entre guillemets fantasmée ou telle que perçue ou réimaginée par la peintre et l'histoire réelle est bien exprimée avec un dessin qui est visuellement fort stimulant. En fait, c'est joli, c'est simple, c'est efficace. Sincèrement, c'est le genre de truc que j'ai laissé traîner, moi, sur la table. Et à peu près tout le monde qui est passé à la maison l'a parcouru. Au niveau histoire de l'art, donc il y a une... Il y a quelque chose de concret, il y a une belle recherche, un beau travail qui est fait et nécessairement, enfin, un beau travail, justement, je reviens sur la duplicité entre la vérité et la vérité telle que Frida la racontait, qui est bien amenée aussi. On n'essaie pas d'épargner sur les sensations physiques, les défis et le reste qu'elle a vécu, donc la simplicité dans la clarté, dans l'efficacité du texte. Donc bref, j'en parlerai pas trop longuement, mais sincèrement une belle surprise. Et si vous vous intéressez un tant soit peu à l'œuvre de Kahlo et à son parcours, eh bien jetez un coup d'œil à cette biographie dessinée de Maria S. du côté de Presque Lune. Alors, vous êtes toujours sur les ondes du 89.1, vous écoutez La Vie en BD. Et vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. C'est La vie en BD qui se poursuit. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/lavieenbd, également lavieenbd.wordpress.com pour nos balado-diffusions, et toutes les balado-diffusions depuis pratiquement 2012 y sont. Alors, ben, allez y faire un tour, si ce n'est pas dans vos marque-pages de vos furteurs Internet favoris. Alors, je ferme la parenthèse d'introduction. Deuxième parenthèse d'introduction, à titre de rappel, donc, depuis cet automne, on ajoute des nouveaux concepts, comme on aime bien le club de lecture, mais on s'est dit, ben, ajoutons d'autres éléments pour explorer autrement que dans l'actualité la bande dessinée. Et entre autres, on a introduit le concept des cartes blanches, où on offre à nos collaborateurs réguliers et à des collaborateurs invités, eh ben, l'opportunité de nous parler de ce qu'ils veulent au fil d'une partie d'émission. Et, ben, on a jasé à Édouard Tremblay, il y a quelque temps, et on lui dit, ben, tenterais-tu de faire une carte blanche? Il nous a dit oui, et il nous a dit, ben, on va vous parler de Rome antique en BD. Alors, Édouard est là spécifiquement pour ça. Édouard, salut. Salut Raymond, salut à tes auditeurs. Alors, Rome antique en BD, en fait, j'ai l'impression que je trouvais qu'on se rejoignait un peu avec ce thème-là, puisque c'est le bout d'études qu'on a fait ensemble quand on était jeunes. Effectivement, oui, pour ceux qui nous connaissent un petit peu plus, hein, Raymond et moi, on a eu la chance de faire un peu le cursus d'histoire antique à l'Université Laval, et il va sans dire, donc, disons, l'amour, évidemment, du monde gréco-antique, et pour ma part, particulièrement du monde romain, eh ben, c'est quelque chose qui me suit depuis maintenant, pratiquement plus que la moitié de ma vie, hein, ça a été ma carrière, ça a été mon... il va sans dire que dès... Évidemment que j'ai eu la chance de travailler en librairie, de plonger en BD. Ben, un des aspects que je ne pouvais vraiment pas passer outre, c'était justement de voir comment on adaptait Rome en BD. Parce que, bien sûr, hein, Rome, que de sujets possibles, que de foisonnances, que de possibilités absolument infini, parce que bon, faut pas oublier que Rome, hein, déjà, c'est plus de 1000 ans d'histoire si on prend juste l'histoire romaine d'Occident. Ajoutons encore 1000 ans d'histoire si on déborde du côté de Byzance. Vous pouvez imaginer, avec tous ces grands personnages, avec tous ces grands événements, ces batailles, mais aussi un paquet d'événements des fois un peu plus ponctuels, et c'est assez intéressant de voir les angles là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'on peut vraiment avoir un champ libre extrêmement vaste. Et beaucoup d'inspiration. En fait, c'est une période qui est marquante, et j'ai l'impression aussi qu'avec des séries comme Astérix ou Murena, ben, ça a mis Rome à l'avant-plan aussi à un certain point. Ça a peut-être amené des effets d'entraînement pour utiliser ce décor-là, le décor de la période gréco-romaine, dans le fond. Ben, effectivement, et un peu comme dans le cinéma, hein, on a ces périodes où le peplum est revenu en force périodiquement et tout. Ben, c'est un peu le cas aussi dans la bande dessinée. Et c'est sûr que quand on parle, et c'est déjà un peu, justement, tu devances un peu ce que je vais présenter, justement, Astérix, bien sûr, hein, je veux dire, on a tous grandi avec Astérix, et comment ne pas souligner, bien sûr, le travail exceptionnel que Goscinny a fait à l'intérieur de ça. Évidemment, Astérix, il faut toujours rester prudent, parce que, bon, justement, Goscinny, qui est un pur génie, nous a introduit des clins d'œil de toutes sortes d'époques. Évidemment, il y a un paquet d'anachronismes là-dedans, et même, je me souviens justement distinctement qu'à l'université, dès les premières années, on nous interdisait d'analyser un Astérix, parce qu'on n'avait pas encore le bagage nécessaire pour bien en faire l'analyse. Parce que, justement, Goscinny, au-delà, bien sûr, du monde romain, bon, va inclure, justement, comme je disais, tous ces anachronismes, mais reste que, dans l'ensemble, c'est une introduction quand même assez exceptionnelle à l'univers de Rome, bien sûr, à des personnages. Je sais pourquoi tout le monde connaît Jules César maintenant, ben, c'est grâce à Astérix. Pourquoi on dit César, tout le monde le sait. On parle de Pompée, qui était son équivalent, et tout le monde nous regarde. Ben, c'est simplement ça, hein. C'est Astérix qui nous a mis ça de l'avant. Idem aussi, et je m'en voudrais de le passer sous silence, la série Alix. De Jacques Martin. Bon, on peut reprocher bien des choses à Martin. On peut dire des fois c'est peut-être un petit peu didactique, c'est un peu verbeux. Bon, dans la même mesure qu'on pourrait le reprocher à Blake et Mortimer, mais ça enlève rien de la finesse de la construction. Ça enlève rien à l'intelligence de ce qui est mis là-dedans. Et le fait est qu'une série comme Alix, ben oui, ça avait l'air un peu didactique, mais Jacques Martin faisait ses vérifications justement, et pour, je pense, introduire des jeunes lecteurs à l'univers du monde romain. Quelle belle manière. En plus, maintenant, Alix a fait des petits, c'est-à-dire qu'il s'est décliné en d'autres séries. Je pense à Alix Sénator, qui a une approche un peu plus à la Murena, évidemment beaucoup plus adulte, mais en gardant encore cette historicité-là en place. Et même, on vient, je pense, de faire paraître Alex Les Origines, où on voit justement tout jeune Alex, on a une autre belle petite BD. Là, pour oui, puis en fait, c'est effectivement surprenamment facile de sous-estimer ou de mésestimer Alex, mais d'un autre côté, un personnage qui passe à travers les décennies comme ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait des bases, il faut reconnaître ces bases solides-là qui font qu'on lit encore aujourd'hui. Ben, exactement. On peut pas nier, justement, au-delà de ça, tout ce que Alex met en place. Et cette volonté, justement, de présenter, même, bon, il y a eu les voyages d'Alex qui ont été des documentaires où, justement, on permettait d'ouvrir une vignette un peu plus grande sur les gladiateurs, sur, bon, un paquet d'aspects comme ça. Et donc, c'est comme je vous dis, pour un vecteur d'enseignement, pour un vecteur de découvrir, justement, le monde romain, mais d'une façon... Parce que c'est, bien sûr, toujours le danger. Et je pense que je parle un peu aussi par déformation professionnelle, parce que, justement, c'est toujours un peu le défaut quand on va voir des films ou qu'on lit des BD ou des romans avec des historiens, c'est toujours « Ah oui, mais ça, c'était pas tout à fait ça. » Je me rappelle quand Gladiateur est sorti dans le programme. C'est ça, c'est insupportable. Ah, oui. Je veux dire, si tu vas voir un film avec un historien, t'as envie de le foutre à la porte. Là. Mais, blague à part, c'est justement, c'est toujours là où il faut faire attention aux pièges, parce que, bien sûr, c'est une BD, tout historique soit-elle, c'est pas un essai universitaire sur l'univers romain. C'est pas une analyse érudite destinée à trois lecteurs. Là. Mais c'est des portes d'entrée qui vont amener vers... Exactement, exactement. Et donc, au-delà, oui, de l'importance de l'historicité, il y a aussi, justement, cette touche que l'auteur va nous amener, que le BDS va nous amener, qui va rendre ça vivant, qui va rendre ça intéressant, parce que l'histoire, c'est comme tout, on peut la rendre extrêmement plate, si on veut, c'est pas dur de rendre l'histoire plate, il y a bien des gens qui ont déjà d'ailleurs ce préjugé-là, mais quand elle est entre les mains de gens qui s'y connaissent, eh bien là, elle devient vivante, elle devient intéressante. Et, bon, on parlait d'Alex, mais bien sûr, je pense que le nouveau classique maintenant, ben, comme tu l'as souligné, c'est Murena. Murena, Dufault, de Feu de l'Habit, maintenant, Théo qui a repris ses bottes. Il y a quelque chose, bien sûr, d'éblouissant dans Murena, bien sûr, dans la richesse, non seulement de la recherche, mais du dessin, de l'histoire, cette maturité aussi, parce que bon, c'est la Rome sans filtre et sans voile, avec tout ce que ça implique de décadence, mais sans tomber non plus dans l'excès. Donc il y a cette balance, cette force, cette intelligence dans la construction de Murena qui en fait, je pense, le classique moderne de Rome. Là. Oui, mais tu parlais du côté vibrant, il reste, il faut réussir, justement, faut pas que l'histoire soit seulement un décor, mais ça devienne en Murena un personnage aussi, d'une certaine façon, entre les lieux, les endroits, il réussit à nous faire sentir ces endroits-là. Et en même temps, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'est un peu la série qui réconcilie aussi l'historien avec l'amateur de BD, en fait, parce que c'est historiquement, il y a un vrai travail. Oui, il y a eu une belle analyse. Comment ils sont allés s'épuiser, justement, dans les vidéos César de Suétone et tout ça pour avoir un peu. Et même, je veux dire, bon, sans tomber dans les grands débats historiques, mais je veux dire, même si on voulait justement pousser la recherche historicité jusqu'au bout, je veux dire, même Suétone, on le sait que bien souvent, lui, il a écrit ça 200 ans après Étype, puis que la plupart de ça est probablement simplement un peu inventé ou un peu empiré, mais au moins d'avoir fait cet effort d'être allé chercher des sources historiques comme ça pour mettre en place la chose, c'était quand même apporté à leur crédit. Ceci dit, surtout du côté évidemment historique franco-belge, on a quand même sous Murena, sans vouloir rien trop hiérarchiser, mais quand même d'autres séries qui amènent des aspects intéressants et des aspects aussi, des fois, comme je disais, un peu inusités. Bon, je passe rapidement Les Aigles de Rome de Marini, parce que ça, on le connaît. Je veux dire, Enrico Marini, il fait longtemps qu'il a fait ses preuves, et cette série-là qui amène en plus le double débat, justement, d'un jeune homme qui est germain au départ et qui devient romain, et donc il se retrouve tiraillé entre ces deux héritages-là. C'est bien drôle, parce qu'on débattait justement avec ma copine hier des degrés de la citoyenneté romaine et de comment on devenait intégré. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce type de débat-là amené d'une époque à l'autre aussi, parce que juste il y a quelques semaines, on jasait avec Michael de Boot Black, et c'est exactement ce tiraillement-là entre l'immigration puis l'américanité, de le retrouver justement dans d'autres grandes phases d'appropriation ou d'intégration. Et justement, bon, tu sais, le phénomène de romanité, de romanisation, comment chaque peuple, justement, a adopté à sa manière, ou non, ou plus, ou moins, tout l'héritage, tout ce que Rome amenait avec la conquête, avec l'annexion du territoire, ben, ça donne des possibilités encore là qui sont infinies, parce que chaque province, chaque peuple prenait ou, justement, acceptait très différemment. C'est ça, parce que les Romains n'avaient pas une rigidité par rapport à la notion identitaire. En fait, il y avait une identité qui était quand même assez ouverte. Ben, c'est exactement, bon, bien sûr, encore une fois, là, on vous résume, parce que c'est évidemment le phénomène de citoyenneté romaine, c'est quelque chose qui a varié et qui a changé énormément au cours des siècles. Mais je veux dire, jusqu'avant Caracalla, là, jusqu'à ce que tout le monde reçoive la citoyenneté, ben, je veux dire, outre le fait que pour, disons, participer à la vie romaine, donc pour être un sénateur, pour être un citoyen, un peu comme Alix, qui est gaulois de naissance, ben, fallait se romaniser. Donc, justement, ben, Alix, il met une toge, il entre dans le système romain et s'assimile à peu de choses près. Mais le fait est que le paysan, en Nubie ou en Gaule cisalpine, lui, dans son champ, tant qu'on payait la taxe à Rome, il y avait le phénomène aussi, bien sûr, du polythéisme qui était là longtemps, ce qui donnait quand même un principe intéressant d'inclusion, et puis bon. Et donc, c'est ces trucs-là, mais dans les Aigles de Rome, justement, on explore un peu cette double héritage-là. Mais on pousse, en fait, dans d'autres séries, je sais pas si tu avais eu la chance de découvrir l'expédition de Marcello Richard, petite BD, trois ou quatre volumes magnifiquement illustrés. Et ce qui est le fun, c'est qu'on va aller déborder, justement, de l'univers romain, parce que une des choses que Rome, pour laquelle il est reconnu aussi, c'est d'avoir repoussé les frontières, hein, d'avoir explorer très très loin comme ça, et c'est un peu l'idée de l'expédition. On est avec une bande de légionnaires romains en Égypte, et un jour arrive par le fleuve une barque funéraire emplie d'artefacts. On ignore à quel peuple ça peut bien appartenir, et on décide donc de remonter le fleuve d'une manière complètement en désertant et tout. Bon, tout est organisé avec le gars des vues, mais tout ça pour dire qu'on a notre bande de déserteurs romains qui vont comme ça remonter le fleuve, essayer de découvrir, en fait, au cœur de l'Afrique noire, des royaumes qu'on soupçonne, qu'on pense que peut-être justement Rome avait découvert. On pense qu'ils ont poussé jusque-là. Je pense à une autre série récente qui a assez peu fait parler d'elle, mais qui s'appelait Dakin, et qui parle justement de des Romains qui seraient allés jusqu'en Chine. Et le fait est que très récemment, on a découvert des monnaies romaines en Chine. Et donc, c'est pour vous montrer aussi un peu, hein, l'ampleur, justement, jusqu'où on allait, par l'intermédiaire, bien sûr, de l'Orient, de la route de la soie, qui était déjà en place et tout. Donc, il y a l'empire qu'on a conquis, mais il y a ce qu'on a pu explorer au-delà de cet empire. Exactement. Ben, c'est le lien qu'on a établi avec les gens, dans Imperium, qui est paru cette année, où on s'intéresse au personnage de Sylla pendant ses campagnes dans l'Est. Ben, encore une fois, on va voir justement le Romain qui va à l'encontre de d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde, commencer à remettre en question sa vie, ses décisions et tout ça. Et je pense qu'encore une fois, ça donne cette richesse qui était Rome, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier. Oui, Rome, c'était des gens, je pense, qui étaient quand même très fiers d'être romains, très fiers d'appartenir à l'Empire, mais ils avaient aussi, et ils l'ont souvent montré à travers les époques, cette capacité à adapter ce qu'ils jugeaient intéressant des autres. À intégrer, à importer, exactement. Et ça revient un peu dans l'idée d'identité ouverte, dans le fond. Donc, on dit, ben, ils font mieux ça, ou tel élément, il y a une certaine logique, mais on va l'intégrer plutôt que de l'interdire. Ça s'est fait au niveau des religions par le polythéisme, ça s'est fait au niveau de certaines pratiques et le reste. Exactement, au niveau de l'armement, au niveau de l'organisation de l'armée, bien sûr, au niveau d'un paquet de trucs, au niveau, comme on disait, de la religion. Et ça m'amène à ouvrir, en fait, une porte sur, ce que j'appelle, en fait, la Rome des portraits. Parce que, justement, question, pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin, question d'historicité, ben, on a quelques belles séries comme ça qui nous présentent, non pas une période, mais des personnages. Je pense à la série Ils ont fait l'histoire, où vous avez entre autres Vercingétorix et César. Et pour avoir moi-même eu la chance de lire beaucoup d'essais sur Vercingétorix, le dossier historique à la fin, c'est pas de la flûte, ils ont fait leur recherche, ils présentent vraiment quelque chose de très bien. On a aussi l'homme de l'année 44, celui qui aurait tué, en fait, Jules César, l'homme de l'année 09, celui qui a causé la perte des légions de Varus. Mais au-delà de ça, ce à quoi je voudrais attirer votre attention, justement, pour qu'on parle de religion, c'est celui qui s'appelle Les Trois Julia, qui est une des séries de la collection des Reines de Sang. Il montre justement certains personnages féminins qui ont marqué l'histoire de manière parfois un peu plus sanglante. On a Cléopâtre notamment, mais bon, Cléopâtre, on la connaît quand même relativement bien. Oui, c'est presque devenu un archétype. Comme César, hein. Mais les Trois Julia ouvrent, en fait, c'est l'époque un peu moins connue de l'Empire romain, où on va commencer à avoir des empereurs orientaux. Et les Trois Julia sont la grand-mère, la mère et la tante de Héliogabale, qui va devenir l'empereur Héliogabale. Et qui était complètement sauté. Complètement sauté. Qui va enfin introduire à Rome les cultes iraniens mystiques, le culte du soleil, en fait. Où notamment où le féminin et le masculin s'entremêlent allègrement. Et je fais la parenthèse pour dire que si on dit que Caligula et Néron sont reconnus comme les empereurs fous, ils n'ont rien comparativement à Héliogabale. Ah non non, Héliogabale c'était quelque chose, vraiment ça a choqué. Encore une fois, je pense qu'on a peut-être justement aussi noirci le portrait parce qu'il y avait l'influence de ces trois femmes-là extrêmement puissantes qui ont essentiellement été celles qui ont mis Héliogabale hein, sur le trône. Et donc c'est fort intéressant parce que vous allez voir justement dans cette BD-là l'influence de ces cultes orientaux-là qui vont tranquillement pénétrer Rome, qui vont venir transformer Rome. Parce que Rome, c'est ça. Rome, c'est quelque chose qui change, qui se transforme. On a toujours, bien sûr, dans les films et tout, on essaie de fixer une époque, on donne toujours... Mais Rome, on l'imagine et on la réinterprète. Et on a justement aussi de ce côté-là des trucs assez intéressants où on va prendre Rome, mais on va l'amener ailleurs. Je pense, bon, à une série classique, le Troisième Testament... que moi j'avais bien aimé, mais je vous avoue j'ai encore plus aimé justement la prémisse, le préquel qui était le Troisième Testament Julius, où on va justement tout mettre en place, bon je veux pas trop en révéler, mais il y a toute l'idée donc d'un frère de Jésus et toute la patente, en tout cas, et vraiment avec tout le mouvement bien sûr aussi de la révolte juive, des zélotes et tout ça, et comment on va utiliser le symbolisme de ce type-là, on va le retourner contre lui-même, donc on revire à l'envers un peu le monde romain dans tout ça, mais encore un peu plus loin, je pense à quelque chose comme Pax Romana de Jonathan Hickman pour les fans de comics. Hickman va là-dedans nous réécrire l'histoire de Rome, mais avec un brio et un génie qui est redoutablement efficace. Il faut s'habituer au style de Hickman, il faut entrer dans sa tête, dans son concept, mais ceci dit, si vous voulez voir comment on pourrait réinventer, remanier Rome en respectant néanmoins qu'est-ce qui est l'essence du tout, il faut porter attention à ce petit ovni, ce petit bijou de Jonathan Hickman, absolument fabuleux. Où on s'approprie, dans le fond, différemment le sujet, on l'amène l'histoire autrement. On la remanie carrément, parce qu'en fait, c'est des gens qui vont retourner dans le temps et qui vont essayer justement de réécrire l'histoire pour empêcher, ultimement, c'était une espèce de conquête du monde par l'islam, qui était la prémisse dans Pax Romana, et donc on essaie de revenir là, fallait favoriser certains empereurs qui devaient plus tard empêcher la venue de Mahomet, en tout cas, c'est toute une circonvolution, mais Hickman est toujours comme ça, c'est toujours des scénarios extrêmement complexes, mais finement menés, c'est un horloger, c'est un dentelier. Ce qui m'amène à notre dernier point, déjà passé, c'est incroyable, j'ai l'impression que je viens de commencer. Mais bien sûr, étant Edouard, je ne pouvais pas non plus ne pas parler de quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais Rome en manga. Parce que Rome en manga, eh bien, c'est pas seulement un titre, c'est tout un foisonnement, en fait, de production. C'était même un phénomène, je dirais, que j'avais découvert à l'université. Alors, je travaillais à l'époque sur, l'historiographie de Spartacus. Et donc, c'était de voir comment, justement, dans diverses époques, divers pays, on avait travaillé sur Spartacus. Et, à ma grande surprise, j'avais découvert qu'il y avait une chaire d'études romaines au Japon qui publiait des choses extrêmement intéressantes. Et en même temps, ben, avec les années, à force de réfléchir, on se dit, ouais, mais bon, le Japon a des fascinations, par exemple, bon, c'est pour la Révolution française, c'est clair et net, pour des choses. Et donc, c'est guère surprenant qu'un empire aussi culturel, aussi fort, aussi impressionnant qu'a été Rome, à quelque part, que ça interpelle un empire aussi culturel, fort et impressionnant que le Japon. Et j'imagine que ça devient doublement intéressant dans la mesure où, quand on parle de bédéistes européens, de bédéistes américains, québécois et autres, qui vont chercher, puiser dans l'empire romain, dans le fond, il y a quand même une unité culturelle. Dans le fond, c'est le monde occidental. C'est notre héritage, c'est ça. Tandis que du côté japonais, ben, ils étaient dans d'autres types d'empires, ils étaient ailleurs à l'époque, et donc pour eux, ça devient aussi une rencontre culturelle un peu. Exactement, et d'autant plus que je pense que justement, comme c'est pas non plus nécessairement leur passé, bon, leur histoire, c'est assez surprenant de voir à quel point ils ont, encore une fois, ce souci de vérifier ce qu'ils amènent, ce détail. Je pense à une série, moi, Ad Astra, que j'avais déjà eu l'occasion de te présenter et que j'ai vraiment adoré, qui tourne autour de Scipion l'Africain et d'Annibal Barca. C'est vraiment exceptionnel. Au-delà du dessin, qui est très beau, cette finesse qu'ils ont à aller faire leurs recherches, on a sorti aussi chez les mangas Casterman depuis peut-être 2 ans, la série Pline, par le même auteur que Thermae Romae, qui est un petit peu plus moyen, mais Pline, vraiment extrêmement intéressant, où on voit justement, bon, Pline l'Ancien, comment cet homme-là va devenir cette espèce d'encyclopédiste, hein, de grand homme de savoir qu'il est devenu. Je pense aussi à un petit one-shot, un petit truc, un seul coup, qui s'appelait Eureka, en fait, qui était sur Archimède et le siège de Syracuse, et encore une fois, on prenait vraiment la peine de montrer l'ingéniosité d'Archimède, ces fameuses machines, et même, on se gardait un petit genre, oh, bon, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché, et tout, mais de voir, justement, cet angle-là amené par les Japonais, je pense aussi à Virtus, le sang des gladiateurs, je pense à Bestiarius, qui est une série de Rome, manga, et fantastique, en plus, donc, comme je vous dis, Rome s'est décliné au Japon de plusieurs manières, mais toujours avec, c'est ça, cette approche rafraîchissante, cette approche parfois déconcertante aussi, mais qui nous montre à quel point, justement, cet empire-là a pu avoir un impact, à quel point cette civilisation-là, au-delà, justement, de l'Occident, ben ça a une pertinence, ça a une résonance, ça a quelque chose de tellement intéressant, puis je veux dire, en même temps, dans la même mesure que, justement, des Européens de plus en plus, des Français de plus en plus se commettent dans le manga et mettent pas nécessairement des histoires qui touchent la France, vont mettre des histoires qui se déroulent au Japon, eh bien, vice-versa, avec la qualité de travail dont sont capables les mangaka, ben, c'est guère surprenant de voir cette production-là également. Oui, parce que veux pas, dans le fond, on le voit un peu dans ce que tu nous dis, on va chercher des sujets, en fait, l'idée de raconter l'histoire, c'est pas de l'histoire pour l'histoire, c'est parce qu'on veut amener des réflexions sur l'identité, c'est parce qu'on veut voir comment s'est bâti quelque chose sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan humain, parce qu'on veut explorer le quotidien d'une certaine époque, parce qu'on veut se créer des résonances avec quelque chose qu'on vit aujourd'hui, avec quelque chose que socialement on crée et le reste. Donc ça devient un peu un théâtre d'exploration aussi. Ben exactement, et comme je disais, c'est probablement ce qui fait au final la beauté de Rome, c'est qu'il y a tout ça, il y a cette richesse culturelle, cette richesse politique, je veux dire, le nombre d'héritages aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qui nous sont encore directement amenés de Rome, vous en reviendriez pas de tout ce qu'on leur doit. Et donc, de se pencher là-dessus, peu importe le médium, mais de l'avoir en plus dans la BD, et donc d'avoir ce bénéfice aussi des dessins, parce qu'il faut pas l'oublier, il y a, comme on le disait, cette multiplicité de belles illustrations, de beaux trucs. C'est une occasion qui est exceptionnelle. Et justement, je pense pour tous les gens pour qui l'histoire, des fois, c'est d'un abord un petit peu plus aride, un petit peu plus difficile. On comprend ça. Comme je l'avoue moi-même, j'ai des essais historiques que je trouve ennuyeux, là. C'est pas parce qu'on est historien, quoi. Mais lancez-vous dans la BD. Lancez-vous dans la BD. Pour ça, comme pour le reste, mais que de beaux titres à découvrir. Ça, c'est exceptionnel. Édouard Tremblay, je rappelle que t'es libraire du côté de chez Pantoute, et peut-être en terminant, il nous reste une petite minute là. On a mentionné beaucoup de titres à l'enfilade. Si t'en avais peut-être 3 à 5 à dire, ben regarde, ceux qui nous écoutent, vous voulez explorer Rome en BD, commencez par ces 5-là. Donc, prenez papier et crayon. En premier, bien sûr, Murena de Dufaux et de l'Habit, à ne pas oublier. Les Aigles de Rome de Enrico Marini. L'Expédition aussi de Marcello et Richard, qui avait été publié chez Dargo. Allez voir du côté de la série Ils ont fait l'histoire et Pax Romana de Jonathan Hickman. Je termine en vous disant du côté du manga, allez voir Ad Astra, c'est exceptionnel. Alors, une belle liste d'incontournables et un sprint. En fait, j'ai l'impression qu'on pourra en parler pendant 4 ou 5 cartes blanches. J'ai l'impression que je viens de commencer. Alors, on se revoit bientôt. On fait club de lecture dans 2 semaines. Tout à fait. Donc, on verra qu'est-ce que Jérôme nous réserve prochainement. Ah, j'ai bien hâte. Édouard Tremblay, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. Et nous, c'est là-dessus qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va plutôt vers l'entrevue, 2 rencontres qu'on vous propose, Leaftand, et on poursuit, dans le fond, l'exploration de Rédemption, donc le tome 2 qui est arrivé. Alors, on va l'explorer avec lui. Également, on aura avec nous Jocelyn Boisvert, donc qui va nous parler de Mort et déterré, une BD jeunesse qui est très, très attendue. Très hâte de la lire de mon côté. Ça va être fait dans les prochains jours et on va vous partager tout ça avec l'auteur la semaine prochaine. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. On vous souhaite évidemment une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1.